les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il y a comme un contentieux dans la littérature autour de la question du sacré, ou de la mystique, peu importe le mot. Car si de nombreux auteurs évoquent volontiers un sentiment de grâce qui serait moteur dans leur œuvre littéraire ou poétique, bien peu revendiquent pour autant l'adjectif de mystique pour caractériser leur création. C'est peut-être l'héritage de ce que fut le poids de la religion chrétienne dans la vie intellectuelle en France. C'est surtout la preuve que l'expérience religieuse, même pour les grandes plumes, est difficilement réductible aux mots. L'émission que vous allez entendre dans un instant rend compte, en tout cas, de cette tension telle qu'elle se présentait au milieu des années 70. Le sacré dans la littérature contemporaine, c'est le titre de cette émission, le cinquième volet d'une série consacrée aux aspects du sacré dans le monde moderne, réalisée en 1974. Aspect du sacré dans le monde moderne, une émission de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Aujourd'hui, présence du sacré dans la littérature contemporaine. Peut-on encore parler à notre époque d'une littérature qui tirerait son inspiration d'un sentiment du sacré? Comment définir ce sentiment et à quelles conditions une telle littérature est-elle encore possible? Pierre-Emmanuel, de l'Académie française. Le sacré a-t-il disparu du monde moderne? À mon avis, c'est une question purement théorique. C'est une question du genre « Dieu est-il mort ?» ou « L'homme est-il mort ?» Le sacré fait partie de l'existence. Il naît d'une certaine attitude devant la réalité. C'est un sentiment, c'est une certaine façon de s'approcher de la réalité universelle et humaine. Je ne pense pas que l'on puisse le définir en termes philosophiques. En somme, il y a des gens qui en ont l'expérience et d'autres qui n'en ont pas. Mais cette expérience n'est pas nécessairement de type religieux. Elle ne signifie pas que l'on adhère à une foi déterminée avec ses dogmes, avec ses croyances plus ou moins cohérentes. Le sacré peut naître, par exemple, de la vue d'une montagne au couchant, ou bien de celle d'un arbre qui se détache sur le ciel. Il exprime une certaine appréhension que l'homme a du mystère des choses. Et je suis persuadé qu'il existe même en dehors de tout état poétique, de tout état d'âme particulier, je dis état d'âme dans le sens où l'on dit qu'un paysage peut être un état d'âme, il existe aussi bien chez les savants, dans la mesure où ils se sentent saisis d'une espèce d'admiration, non pas pour leur pensée elle-même, mais pour le processus de celle-ci, ou pour le rapport que celle-ci établit avec la réalité sur laquelle il travaille. A fortiori, le sacré apparaît-il comme l'une des composantes, je crois, des rapports des hommes entre eux. Il est par exemple lié à une certaine contemplation du visage humain. Il y a plusieurs façons de regarder quelqu'un, mais il y a une façon tout à fait superficielle, en passant, juste pour percevoir certains signes qui peuvent être utiles à la relation, à ce rapport disons, de contiguïté. Mais il y a d'autres façons de regarder le visage humain et, par exemple, de reconnaître dans ce visage une présence qui est à la fois ouverte et secrète. Dès qu'il y a secret, il est bien difficile de savoir ce qu'est le secret. Le secret n'est pas nécessairement ce qui se renferme, ce qui se refuse. Mais le secret est ce qui ne se donne pas d'un coup. Ce qui demande attention, contemplation, amour. Dès qu'il y a secret, eh bien, il y a possibilité du sacré. Et c'est pourquoi l'homme, fondamentalement, respecte l'homme. L'homme respecte en lui, en lui-même, enfin, et dans les autres. Enfin, l'homme respecte dans l'idée de l'homme un mystère inépuisable. L'inépuisable, c'est aussi l'une des catégories, si l'on peut dire, du sacré. Car ce qui est épuisable, ce qui se ramène à des structures définies ou à une explication rationnelle, à un inventaire, ça, c'est pas le sacré. C'est l'univers de tous les jours, c'est l'univers utile. Le sacré commence avec, non pas avec l'idée de l'inutile, mais avec l'idée de la grâce, du gratuit. Le gratuit introduit dans l'ensemble de la vie humaine une dimension que l'utile n'y introduit pas. La vie humaine est élargie, elle est définie qu'elle était, elle devient infinie. Elle devient tout entière ouverte, elle devient possibilité de création, etc. Donc, vous voyez que vraiment, dire que le sacré n'existe pas, en tout cas dans le monde moderne, c'est une chose vraiment absurde, parce que nous ne passons pas une journée de notre existence sans le côtoyer ou sans l'éprouver. Existe-t-il dans la poésie moderne? Mais bien sûr, il est partout dans la poésie moderne. Il est naturellement exprimé de manière très différente. Il peut être exprimé sous forme religieuse. J'ai des poètes dont l'inspiration est dominée par un certain nombre de grandes images traditionnelles qu'ils ont d'ailleurs revécues et dont ils ont fait des images actuelles, qu'ils ont en quelque sorte rendues contemporaines de la situation présente de l'homme. Alors vous le trouvez chez Jean-Claude Renard, vous le trouvez chez Claudel, enfin bien sûr, vous le trouveriez chez Péguy, vous le trouvez chez Jouve, vous le trouvez chez La Tour du Pin. Mais il y a une autre forme du sacré qui ne passe pas nécessairement par la vision d'une dogmatique déterminée ou d'une religion déterminée. C'est le sacré souvent de type agnostique ou interrogateur. C'est le sentiment du sacré qui est de type agnostique ou qui est une sorte d'interrogation. Alors, l'agnosticisme, vous le rencontrez chez un Saint John Perse, mais magnifique, n'est-ce pas? L'homme est partout, et il est partout dans son mystère, n'est-ce pas? L'histoire humaine ne s'éclaire pas par les faits des hommes, elle reste toujours une grande épopée et une grande aventure, une énigme. L'énigme aussi est une des catégories du sacré. Vous le trouvez chez Michaud? Ah oui, et comment donc? Son idée de l'homme, enfin cette idée de l'homme misérable, petit, toujours pressé, toujours angoissé, mais en même temps tellement résistant à tout ce qui le menace. Cette idée de l'homme, au fond, qui est soumis à l'énorme pression universelle et à l'énorme pression qui vient de l'intérieur de lui-même et qui en même temps résiste, garde sa forme, son identité. Mais ça, c'est le sacré, bien sûr. Alors, vous le trouvez chez Freinet, peut-être sous la forme du désespoir, parce que, vous savez, l'homme qui est désespéré sur l'homme qui est inacceptable à l'homme, c'est qu'il veut que l'homme soit plus grand que l'homme. Bien sûr, et bien sûr que l'homme est plus grand que l'homme. Donc, le désespoir est encore une affirmation de cette grandeur. Et voilà des formes d'expression du sacré qui sont bien loin de l'idée limitative que l'on s'en fait, idée qui risque d'ailleurs de, même pour les croyants, de faire confondre l'adhésion à une doctrine et le sentiment très profond de la réalité totale, de l'immensité du mystère des choses. Jean-Claude Renard, poète, ou l'affirmation de la permanence du sacré. Il me semble, enfin, si vous voulez, que le sacré est une chose qui a non seulement toujours existé comme besoin chez l'homme, dans la mesure où il représente un appel qui doit correspondre à une sorte de vide qui existe en nous. Nous avons l'impression, c'est bien sûr un point de vue personnel que je donne, nous avons l'impression que nous sommes habités, si j'ose dire, par une espèce de lacune, d'absence, qui nécessite d'être comblée d'une manière ou d'une autre. D'où la question, y a-t-il quelque chose qui peut combler ce vide ? Y a-t-il une parole ? Y a-t-il une existence ? Y a-t-il un être ? Y a-t-il donc, en un certain sens, autre chose, qui est le sens exact du sacré, qui peut remplir cette fonction et ouvrir à l'être ce qui est fermé à l'être ? Et pour vous, personnellement, la poésie, donc, répond à cette question ? Eh bien, la poésie répond à cette question à sa façon, parce que, bien entendu, je n'ai pas, si vous voulez, tout à fait fini de répondre à la première, à la première question. Vous me demandiez aussi quelle était cette présence du sacré dans le monde contemporain. Il me semble qu'elle se manifeste d'une certaine manière, d'autant plus que le monde où nous vivons présentement est un monde mécanisé, robotisé, qui tend à déshumaniser l'homme, d'où une sorte de crise qui crée elle-même une sorte de crise spirituelle. On en a des exemples éclatants un peu partout, et en particulier dans les mouvements de jeunesse chez les jeunes qui cherchent quelque chose, qui cherchent un sens à leur vie. Et dès qu'on cherche un sens à son existence, quel que soit ce sens, on se dirige déjà vers une sorte de forme du sacré. Alors, pour revenir maintenant à ce que vous me demandez, il faut tout de suite noter qu'à mon sens, pour moi, si vous voulez, je ne confonds pas l'expérience religieuse et l'expérience poétique. Toutes les deux sont des expériences qui ont, comme le sacré, si vous voulez, la possibilité d'être une réponse, n'est-ce pas, à la question que nous nous posions tout à l'heure par rapport à cette absence en nous. Mais il est bien évident que la poésie répond par le langage, alors que l'expérience religieuse, la foi ou la croyance, de quelque forme qu'elle soit, n'est-ce pas, je ne me situe absolument à aucun plan, si vous voulez, dans aucune dogmatique religieuse ou dans aucune religion spécifique, alors que donc que la foi, elle, rencontre ce sacré d'une manière vivante, elle le vit, n'est-ce pas, elle ne fait pas qu'en parler, elle le vit. Si vous voulez, on pourrait résumer, schématiser en disant, je crois comme il y a un poète hindou du XVIe siècle qui s'appelle Tukaram et qui a écrit des psaumes qui s'appellent les psaumes du pèlerin. Et dans ces psaumes, à un moment donné, il dit « En tant que poète, je vais dire l'indicible ». Déjà, si vous voulez, il y a donc là une démarche vers le sacré. Et après, un peu plus loin, il dit « Toi et moi, toi étant Dieu, appelons-le comme ça, on pourrait lui donner des tas d'autres noms, car finalement le mot Dieu n'est qu'une commodité de langage ». Il dit après, toi et moi, nous cherchons à être un. Je te donne ton visage, c'est-à-dire l'homme donne son visage ou donne un visage à Dieu, toujours sous la réserve de la commodité du mot Dieu, et Dieu nous donne l'infini. Et à la limite, c'est l'expérience mystique, proprement dite, c'est-à-dire la fusion entre le moi de l'homme et le toi, théoï, bien entendu, que peut représenter le Dieu. Je pense que cette situation-là, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, eh bien, de toute façon, on la ressent d'une manière ou d'une autre, parce que nous sommes en face d'une chose inéluctable qui est la mort. Et dès qu'on prend conscience de la mort, on se pose évidemment la question de y a-t-il la possibilité de trouver un sens avant cette mort, ou bien n'y en a-t-il aucun ? Ou bien on accepte le pur hasard, la pure absurdité de l'existence, ou bien on cherche à comprendre pourquoi nous sommes là, et par conséquent, d'où nous venons, ce que nous sommes, vers quoi nous allons, même s'il n'y a pas de réponse possible et absolue, au sens scientifique, de réponse prouvable à cette question. Mais on peut y répondre subjectivement, et je crois qu'au fond, tout homme y répond à sa façon, et donc subjectivement, par l'expérience qui est la sienne. Et l'expérience poétique, alors, est justement une réponse personnelle, subjective, dans ce sens. Alors, l'expérience poétique est en effet non seulement une réponse, mais elle est d'abord une recherche. Plus exactement, elle pose la question et elle n'apporte pas de réponse. Elle est une aventure intérieure, un cheminement intérieur, comme l'est également, si vous voulez, l'expérience religieuse, mais elle s'opère dans le langage, à l'intérieur du langage, langage qui, lui-même, crée ses propres univers et ses propres significations, alors que l'expérience religieuse est rencontre avec le sacré, est rencontre avec le mystère, et rencontre, aussi subjective qu'elle soit, connue comme objective, c'est-à-dire, si vous voulez, le mystique, quand il rencontre le Dieu, le rencontre comme vivant, quel que soit ce qu'est ce Dieu, n'est-ce pas ? Ça peut être, et la question alors est insoluble également, au moins au plan objectif, ça peut être l'accomplissement, si vous voulez, de l'homme, l'homme accompli, qui peut être Dieu, n'est-ce pas ? Ça peut être Dieu qui est inversement la sublimation de l'homme, nous ne savons pas. Et on ne peut pas répondre à une telle question. Cependant, il y a dans le monde, dans l'univers, dans l'homme, une sorte de présence irréductible du mystère. C'est-à-dire qu'on se heurte, la science la première, à une espèce d'impossibilité de connaître quelque chose. Je différencie, si vous voulez, pour mieux éclairer mon propos, ce que l'on peut appeler l'inconnu, qui peut, lui, être tôt ou tard connaissable, et le mystère, qui est quelque chose qui ne peut être défini que par soi-même et non pas résoluble d'une façon ou d'une autre. Et je fais cette différence. Alors, et bien entendu, le sacré est le champ où s'ouvre, où se présente le mystère à ce moment-là, voyez-vous. C'est l'autre côté des choses, l'autre versant. C'est pourquoi je dis l'indicible. C'est la poésie qui dit l'indicible, mais celui qui vit l'indicible, qui vit l'autre côté des choses, on peut l'appeler la réalité absolue, le réel absolu, c'est le mystique. C'est, sous quelque forme que ce soit, et dans quelque religion que ce soit, aussi bien les plus primitives, toujours actuelles d'ailleurs, que les plus élaborées. À la recherche du sacré dans la littérature canadienne d'aujourd'hui, Gilles Marcotte, professeur à l'Université de Montréal. Je dirais que le sacré est présent dans une œuvre quand cette œuvre présente un sens ou un aveu. Et là, j'inscrirai trois mots. D'abord, l'absolu. Ensuite, l'infini, peut-être en inscrivant un trait d'union entre l'in et fini, c'est-à-dire un sens de ce qui n'est pas fini et ne pourra peut-être jamais l'être si on reste dans des limites purement humaines. Et enfin, un sens et un aveu de l'autre, peut-être avec un A majuscule. Dans les écrivains canadiens-français, est-ce que on retrouve certaines facettes du sacré, soit au niveau de l'absolu, de l'infini ou de l'autre? Ce qui est frappant, je pense, dans notre littérature actuelle, c'est qu'elle présente en effet des aspects du sacré et que c'est un phénomène tout à fait nouveau. C'est-à-dire que quand nous étions une collectivité entièrement définie par le catholicisme, nous avions de la littérature pieuse, nous en avons eu beaucoup, hélas, mais on ne trouvait pas justement dans cette littérature, sauf de très rares exceptions, de ces signes du sacré. Tandis que, depuis que nous avons vécu cette crise de laïcisation extrêmement intense, depuis quelques années, eh bien, notre littérature a présenté des signes du sacré, surtout en poésie, parce que, bien sûr, la poésie a, depuis presque les temps immémoriaux, certaines connivences avec le sacré, mais même dans le roman. Il s'agissait avant tout de se débarrasser de ces pieuseries qui nous avaient encombrés durant très longtemps, et ces pieuseries à la fois dans la vie, dans le domaine religieux, si l'on veut, et aussi dans la littérature, parce que ça devenait absolument insupportable, et le feu de la critique s'est exercé là d'une façon tout à fait, à mon sens, légitime. On parle souvent des grands espaces du Canada français, on parle de la solitude. Est-ce que ces deux éléments, solitude et grands espaces, ont pu servir un peu de structure à l'entour duquel s'est articulé le sacré chez nos écrivains? Pour ce qui est des grands espaces, je vous avoue que j'ai quelques doutes. Nous parlons volontiers des grands espaces pour la littérature américaine, mais il se trouve que dans notre littérature à nous, ici, l'espace, je pense, ne s'est pas imposé de façon très évidente. La solitude, cependant, je pense, fait partie du drame et du discours de tout écrivain qui s'exprime ici, de tout écrivain en général. Je pense que la solitude est un thème littéraire absolument inévitable. On peut cependant ajouter qu'elle a peut-être ici un poids spécifique. Et là, si on veut extrapoler un peu, prendre des risques, on pourra peut-être parler de l'hiver et retrouver au bout du chemin aussi cet espace dans lequel nous sommes un peu perdus, ce grand espace que nous n'avons pas conquis vraiment. Enfin, les coureurs des bois, c'est fini depuis très longtemps, et dans lequel nous nous sentons un peu démunis. Et c'est peut-être de ce lieu un peu vide, qui est un lieu de solitude, que la littérature ici fait entendre ses appels les plus pressants. Il y a aussi une autre réalité pour le Canadien français, c'est la dépossession. Est-ce que dans la littérature canadienne française et la littérature qui parle ou à travers laquelle s'exprime le sacré, la dépossession de la terre a quelque chose à avoir? Je pense que cette idée de dépossession est à mettre en rapport avec celle de solitude. Et c'est pour ça peut-être qu'il serait préférable d'employer le mot isolement plutôt que solitude. Parce que la solitude peut être riche, comblée, pleine, tandis que quand on parle d'isolement, on fait référence à une privation. Et très longtemps, je pense, l'écrivain ici, et je pense que l'être canadien-français, s'est défini en grande partie par cette impression d'isolement, dont on pourrait analyser les caractéristiques à plusieurs niveaux, historiques, géographiques, comme je l'indiquais tout à l'heure, et qui est peut-être cependant moins sensible dans la toute récente littérature. Je pense que le caractère principal de cette littérature, ce qui frappe le plus, c'est que des choses, des mots, des bouts de phrases, qui étaient apparemment immobiles, qui étaient, pardon, auparavant immobiles, se sont mis en mouvement. Le langage ici s'est mis à bouger. Et quand on bouge, quand on devient au moins par l'écriture, par l'imaginaire, coureur des bois, je pense que l'isolement tend à se dissiper, à s'éloigner. Les écrivains canadiens-français expriment-ils d'abord et avant tout, quand on parle du sacré, une blessure profonde ou plutôt une espèce de vitalité, de bonne santé? Oh, la bonne santé en littérature et en particulier en poésie, ça se rencontre rarement. Et c'est un terme qui est d'application extrêmement délicate, il me semble. Et quand on est en bonne santé, comme une pomme, là, je ne sais pas si on écrit de la poésie. C'est vraiment au niveau de la blessure, ici, qu'on est. Eh bien, là, pas toujours. Je pense il y a certains poètes, bien sûr, qui partent de la blessure, beaucoup de poètes qui partent de la blessure, mais il est évident que on ne parle de la blessure, on ne parle de la dépossession, que dans l'espérance immédiate de la santé, mais là avec un grand S, de la grande santé, de ce que certains poètes appelleraient la santé primordiale et finale, ou en fonction d'une possession. Je ne connais pas de poète qui soit vraiment, à quelques très très rares exceptions près, et là je ne parle pas seulement de notre poésie, mais de la poésie occidentale en général, dans la mesure où je la connais, je ne connais pas de poète qui s'arrête à la blessure. La blessure est toujours un départ. Et comme le disait Graham Greene, pourquoi est-ce qu'on écrirait si ce n'est parce que on ressent au départ un malaise, parce qu'on n'est pas d'accord avec les choses telles qu'elles sont? C'était Le sacré dans la littérature contemporaine, une émission de Marcel Kroes, avec des témoignages de Pierre-Emmanuel de l'Académie française, Jean-Claude Renard et Gilles Marcotte. Collaboration Jean-Rizer Nadal et Jean Rocroy, réalisation Ronald Tenen, collaboration technique Xavier Van Loek et Christian Lambert. Aspect du sacré dans le monde moderne est une série d'émissions de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Cette émission était la cinquième d'une série de 8, première diffusion sur France Culture le 10 août 1974. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Thank you.